new chapter begins in the dark and tragic history of the Congo with the return to Leopoldville of deposed Premier Lumumba, following his capture by crack commandos of strongman Colonel Mobutu. Taken to Mobutu's headquarters past a jeering, threatening crowd, Lumumba was impassive at this lowest ebb of his stormy career. Mobutu watched as his troops manhandled Lumumba, but promised the pro-red Lumumba a fair trial on charges of inciting the army to rebellion. Lumumba was removed to an army prison outside the capital as his supporters in Stanleyville seized control of Oriental province and threatened a return of disorder. Before that, Lumumba suffered more indignities, including being forced to eat a speech which he restated his claim to be the Congo's rightful premier. Even in bonds, Lumumba remains a dangerous prisoner, storm center of savage loyalties and equally savage opposition. Patrice Lumumba a été assassiné au Katanga. Donc, il est mort plusieurs fois. Il est mort lorsqu'on l'a mis dans l'avion en destination du Katanga et que les Belges ont insisté particulièrement pour que ce soit au Katanga qu'il soit envoyé, alors que les leaders du Katanga, Tshombe et surtout son ministre de l'Intérieur, Munongo, avaient dit s'il met les pieds au Katanga, il sera un homme mort. Donc, tous ceux qui ont décidé de l'embarquer pour le Katanga savaient parfaitement qu'il l'envoyait à la mort. Alors ensuite, lorsqu'il est arrivé au Katanga, on s'est emparé de lui. Les militaires de Tshombe, les forces de police se sont emparés de lui. Les ministres katangais l'ont frappé, molesté. Et après, on l'a emmené dans une forêt près de Lubumbashi, d'Elisabethville à l'époque, où là, il a été achevé par un peloton congolais, mais commandé par des officiers belges. Est-ce qu'il représentait un risque même en prison ? Oui, je crois que l'analyse des Belges de l'époque était que aussi longtemps que Lumumba était vivant, avant encore un souffle de vie, il représentait un risque. Pourquoi ? Parce que ses idées étaient tellement fortes qu'elles avaient de l'impact sur la population congolaise, et lui-même avait un tel charisme, avait une telle capacité de persuasion des gens avec qui il parlait, que l'on craignait qu'il convainque même les militaires chargés de le garder. Ce qui s'est produit quand il a réussi à s'évader. Il a retourné les militaires que Mobutu avait mis pour le surveiller. Il les a retournés et ils l'ont laissé partir en étant convaincus de son argumentation. Et c'est pour ça que les Belges, dans les fameux télégrammes diplomatiques envoyés à leurs représentants là-bas, insistaient toujours pour qu'intervienne une solution définitive. Solution définitive pour un homme qui était déjà à l'époque emprisonné, entouré d'un double cordon de garde, l'armée nationale congolaise, plus les casques bleus de l'ONU. Il était détenu sous un double cordon et il fallait encore une solution définitive. Quelle autre solution définitive qu'autre chose que la mort ? Il y a eu en Belgique, dans les années 2000, au tout début des années 2000, une commission d'enquête qui voulait établir la vérité par rapport à cela. Est-ce qu'on a réussi à identifier des responsables, des commanditaires qui réellement ont demandé l'exécution de Lumumba ? Et venait-il de l'extérieur du Congo ? Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction de personnes qui étaient impliquées dans la décision de son élimination. C'était évidemment des Congolais, des exécutants congolais, des ennemis internes congolais, les Katangais, les gens du groupe de Binza, le ministre adjoint de l'Intérieur de l'époque, Étienne Tshisekedi, Mobutu, qui a trahi. Mais tous ces gens agissaient en coordination avec des commanditaires extérieurs, en tout cas des personnes qui souhaitaient, entre guillemets, l'élimination définitive de Lumumba, qui se trouvait en Belgique. C'était le ministre des Affaires africaines de l'époque, d'Apremont Linden, et tout son entourage donc diplomatique. Mais les Belges eux-mêmes étaient aussi des exécutants de complices plus hauts, qui étaient les Américains, qui eux aussi souhaitaient la disparition de Patrice Lumumba, qui avaient essayé de l'éliminer eux-mêmes en envoyant un agent de la CIA à Brazzaville, qui avait pour mission de l'empoisonner, enfin de lui inoculer une maladie mortelle, tentative qui avait réussi. Et alors les Américains ont agi en conjonction avec les Belges. Est-ce que cette commission d'enquête, pour revenir sur elle, est-ce qu'elle a réussi à établir ça, ses responsabilités par rapport au ministre, par exemple, en charge. Il y a aussi les responsabilités de la maison royale, du roi lui-même. Et aussi, est-ce qu'elle a réussi à faire le pont avec les responsabilités internationales quand on parle de la volonté des services secrets américains d'éliminer Patrice Lumumba? Non, non. Les Belges ont... Le nom de la commission d'enquête, c'était les responsabilités belges dans l'assassinat de Lumumba. Et donc, ça a permis aux gens qui ont comparu de soigneusement écarter toute complicité internationale. Donc, il n'a pas été question des Américains, du rôle des Américains, du fait que les Américains et les Belges agissaient en conjonction, en tout cas en conjonction d'intérêts, il n'en a pas été question. Et par ailleurs, cette commission a conclu à la responsabilité morale de certaines personnalités belges. Morale, c'est-à-dire non-assistance à personne, une personne que l'on savait en danger, responsabilité morale de ne pas avoir fait de mise en garde en disant que la Belgique réprouvait toute solution de mort violente, etc. Ce qui était, à mon avis, une conclusion extrêmement prudente et tout à fait en deçà de la réalité. Parce que lorsque des télégrammes diplomatiques proposent une solution définitive et lorsque les autorités belges au plus haut niveau de ministre des affaires africaines de l'époque sont tenues au courant d'heure en heure du développement des choses du style Lumumba a quitté Léopoldville, on l'a mis dans l'avion, l'avion est arrivé, il a été réceptionné, il a été amené à la maison brouée, il a été battu, il est sorti de la maison brouée, bon, d'heure en heure les Belges étaient au courant. Qu'on ne vienne pas me dire que c'était une responsabilité morale, moi j'appelle ça une complicité active et déterminante dans la prise de décision de l'élimination. Alors quant au roi Baudouin... Ces personnes, ces personnalités qui peuvent être mises en cause plus précisément font aussi partie du gouvernement belge. Dans ce cas-là, ils le représentaient et c'est le gouvernement belge qui aurait une responsabilité. Bien entendu, elles sont mandatées, elles font partie du gouvernement belge, elles n'ont pas été désavouées, bien au contraire, par la suite, la chaîne de commandement de tous les Belges qui ont été impliqués dans l'assassinat de Lumumba, tous ont été promus. Ils ont été promus dans la société belge, dans les sociétés privées, dans l'establishment politique et militaire. Ils n'ont pas été sanctionnés, ils ont été promus. Donc ils agissaient comme des exécutants d'une commande qui venait, si j'ose dire, du plus haut niveau. Alors vous m'avez interrogé sur la responsabilité du roi Baudouin. Bon, le roi Baudouin n'a pas donné d'ordre explicite d'éliminer Lumumba, mais on peut dire au minimum qu'il était averti des plans d'élimination et on en a la preuve par une lettre qui a été produite à la commission d'enquête, une lettre de son aide de camp, le colonel Weber, et un paragraphe de cette lettre dit qu'il faudrait éliminer Patrice Lumumba. Et là, il n'y a pas d'annotation, donc il est certain que le roi a lu ce passage et n'y a en tout cas pas formulé d'objection. Donc, moi, je dis qui ne dit mot consent. Si on lit un projet d'assassinat et qu'on ne formule aucune objection, ben, c'est qu'on est d'accord.